Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Voici la dernière édition de cette soirée du 22 décembre 2018. Voici les grands titres pour commencer. Le président du parti MLC, Lorenzo Nguemelo, ne trouve aucune explication fondée à la cession de la capitale du Burundi en une économique et une autre politique. Il dit que même les puissances étrangères n'en ont qu'une. Vous entendrez le professeur Juvenal Ngurguanous. Et les parents d'élèves du lycée Lwasanga, commune Matana, se plaignent de la rétention des résultats du premier trimestre par les enseignants et demandent aux autorités communales et provinciales de trouver une solution aux litiges qui les opposent aux enseignants. Et certains caféiculteurs de la commune Gachoho disent avoir été déçus de n'avoir perçu que le quart de leur argent au premier paiement pour le café cerise vendu à la coopérative du Togarukine Igitewatikawa qui a eu lieu ce vendredi. Et puis, une vingtaine de femmes libres ont été remises à la justice après leur arrestation cette semaine en commune et province Bubanza. C'était lors des rafles organisées conjointement par la police et l'administration. Et puis, vous aurez aussi droit à la revue de presse. Ce sera à la fin de ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, une vingtaine de femmes libres ont été appréhendées cette semaine en commune et province Bubanza lors des rafles organisées conjointement par la police et l'administration. Et elles ont été remises à la justice. Face aux lamentations de la population sur le comportement de ces femmes et les conséquences qui en découlent, le gouverneur de la province de Bubanza précise que ce genre de rafles vont continuer même dans d'autres centres de cette province. Moi, je suis le gouverneur de la province de Bubanza. Je n'ai jamais entendu des crépissements d'armes au niveau de la Kibira. Ce qui veut dire je n'ai même pas de rapport avec ces combats. Ce qui veut dire que ce sont des rumeurs que je combats énergiquement. Et oui, c'est la période, au mois de lorsqu'on est en train de terminer l'année, on assiste souvent à de telles rumeurs. Je dois dire que le mouvement des soldats que nous avons observé dans ces derniers jours nous en était au courant. C'est des soldats qui d'habitude font de rondes nocturnes, traversent la commune Msigati, Bubanza et retournent comme d'habitude. Parce que ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'incident qui se fait au niveau de la Kibira. Mais sinon, parler des vaches qui parlent au niveau d'autres provinces, c'est la première fois que je l'entends même au niveau de ma vie. Même dans l'histoire, je n'ai jamais entendu ça. Sinon dans les contes. Alors, pour dire que c'est la période des rumeurs telle qu'on l'a entendu les derniers jours, les années passées, on disait, bon, les Marukoti, on disait les gens qui enlèvent les dents. Tout ça, c'est vraiment à combattre, surtout pendant cette période où nous approchons la fin de l'année et les élections de 2020. Vous aurez compris que même si c'est le gouverneur de la province, Bubanza, il ne parle pas de cette rafle opérée dans sa province et où on a appréhendé une vingtaine de femmes libres. Plutôt, le gouverneur de Bubanza met en garde ceux qui répandent les rumeurs faisant état de vaches qui parlent ou de combats en cours dans la Kibira. Terence Nobus Boutoyi, vous l'avez entendu, appelle la population à plutôt vaquer aux travaux de développement. Et en province Bururi, les parents d'élèves du lycée communal Rwasanga, commune Matana de la province Bururi, se lamentent que leurs enfants sont rentrés sans connaître les résultats du premier trimestre. Ils estiment qu'ils n'auront pas une référence afin de leur prodiguer des conseils. Ces parents demandent à l'autorité scolaire communale et provinciale de vider la question qui les oppose aux enseignants et qui est à l'origine du gel des résultats. Jean-Pierre Misago. Des informations obtenues auprès de certains parents d'élèves du lycée communal Gwasanga indiquent que les enseignants de ce lycée ont refusé de proclamer les résultats du premier trimestre. Samuel Ndaïke Ngoutier, président du comité de gestion de l'école, confirme ces informations. Selon lui, Cela est la conséquence d'une divergence entre le directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Matana et le directeur provincial de l'éducation, de la formation technique et professionnelle de Bururi d'un côté et le conseil de discipline de cette école de l'autre, dans la lecture et l'interprétation des articles qui ont servi de référence dans le renvoi définitif d'un élève de cette école, un élève que le directeur communal de la formation technique et professionnelle de Matana a ramené par après à cette école. Après la rencontre de ces deux parties à l'école même, l'après-midi de ce jeudi, une rencontre qui n'a pas abouti à un compromis, ces enseignants ont maintenu le statu quo jusqu'à ce que le ministère de tutelle intervienne pour trancher. Pour certains parents contactés, il s'agit d'une injustice contre ces élèves et demande que l'affaire soit vidée dans l'intérêt des apprenants. Contacté à ce sujet, Antoine Sabiyumba, directeur provincial de l'éducation de la formation technique et professionnelle de Bururi, dit qu'il va plutôt demander que la loi en la matière soit respectée. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et la ponctualité à leurs travaux et le bon encadrement qu'ils pourront assurer, voilà certains avantages que les encadreurs des cafés culteurs des communes Makamba, Mwanda et Kayogoro de la province Makamba vont tirer du don de vélos de déplacement offert ce vendredi par la Confédération nationale des associations des cafés culteurs du Burundi, Sénac et Murima Wisangi. Ces derniers expriment leur satisfaction. Correspondance de Jérôme Hakizimana. Ce vélo était donné à un encadreur des caféiculteurs sur deux ou trois collines dans le but de bien suivre tous travaux d'augmenter la productivité du café sur l'encadrement dans le projet de l'État de valoriser le caféier et le standardiser au marché international sponsorisé par la Banque mondiale IDA. Le représentant de ces encadreurs et caféiculteurs de la province Makamba affirme que ça va beaucoup les faciliter dans la ponctualité de leurs travaux et à être proche des caféiculteurs sans qu'ils soient très fatigués et la productivité va aussi augmenter. Car si c'est une base qui distribuait ce vélo à ses encadreurs et caféiculteurs, ajoute que ce don vient dans les pires moments. Ces encadreurs et caféiculteurs qui ont reçu ce vélo sont priés de bien les entretenir. Depuis Makamba, Jérôme Hakizimana, Radio Isanganiro. Et puisqu'on parle du café, sachez que le premier paiement pour le café cerise vendu à la coopérative Tugarukirigite Wachikawa a eu lieu vendredi en commune Gachoho. Certains caféculteurs disent avoir été déçus de n'avoir perçu que le quart de leur argent. De la poudre aux yeux, se plaignent-ils. Mais le président de la Fédération des caféculteurs de Muyinga explique avoir été informé que l'argent allait être décaissé par tranche. Jean-Pierre Nabomenyereye promet de continuer à s'entretenir avec les partenaires du secteur café pour que le producteur ne soit pas victime d'éventuels soucis financiers des sociétés de commercialisation du café. Isanganiro, la radio de l'avenir. Du sport, l'équipe Dynamo a battu cet après-midi celle de Runani par un score de 47 points contre 39. C'était à Gitega lors de la finale de la Coupe du Président, deuxième édition. C'est au moment où, chez les filles, l'équipe Berkostar a battu l'équipe Les Gazelles par un score de 51 points contre 36. Cette finale a été rehaussée par la présence du président de la République, Pierre Nkurunziza, qui a remis lui-même les coupes et les prix aux équipes finalistes et à ceux qui se sont distingués durant cette compétition. Et le président du parti MRC, Lorenzo Ngemero, Mouvement pour la réhabilitation du citoyen, trouve impossible la mise en place de deux capitales pour le Burundi. Professeur Juvenal Ngoguanoboussa estime que la capitale est une seule ville et pas deux. Vous saurez que le conseil des ministres il a été adopté par le gouvernement en décret fixant Gitega comme capitale politique burundaise, tandis que la capitale économique sera implantée à Bujumbura Mairie, comme cela a été confirmé par le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karigwa, sur son compte Twitter. Les séances du conseil des ministres se tiendront désormais à Gitega. Aux cinq ministères seront aussi établis dès le début de l'an prochain en 2019. Suivez plutôt les explications du porte-parole du gouvernement. projet de loi portant fixation de la capitale politique et de la capitale économique du Burundi. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local. Depuis l'indépendance du Burundi, le 1er juillet 1962, différentes constitutions qui se sont succédées ont fixé la capitale du Burundi à Bujumbura, en prévoyant néanmoins qu'elle peut être transférée à un autre lieu du territoire par la loi. C'est dans ce cadre qu'à la suite de la constitution de 1981, plusieurs initiatives ont été entreprises pour construire des buildings administratifs dans la ville de Gitega en vue d'abriter certains services administratifs auparavant logés à Bujumbura pour rapprocher l'administration des administrés. Même si la constitution du 18 mars 2005 a repris cette disposition, aucune initiative concrète n'a été entreprise pour transférer la capitale Bujumbura dans un autre lieu du territoire. La constitution de juin 2018 a clarifié la situation en annonçant que, je cite, la capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la transférer en tout autre lieu de la République ou séparer la capitale politique de la capitale économique. Fin de citation. En vue de veiller au développement harmonieux et équilibré en décongestionnant certaines entités, il y a nécessité de séparer la capitale politique de la capitale économique, comme la population ne cesse de le réclamer. Ce projet de loi propose que Bujumbura soit la capitale économique du pays au regard du volume d'activité qui s'y exerce et que Gitega, le centre du pays, soit la capitale politique. Voilà, c'était Prosper Nangwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. C'est un extrait de sa déclaration sanctionnant la fin d'une retraite gouvernementale qui a eu lieu hier. Suivez maintenant la réaction du président du parti MRC, Lorenzo Nguemero, Mouvement pour la réhabilitation du citoyen. Professeur Juvenal Ngoguanoboussa estime que la capitale est une seule ville et pas deux, donc il trouve impossible la mise en place de deux capitales pour le Burundi. Le président Bagaza avait essayé de le faire. Même avant lui, il y avait déjà, la capitale était à Gitega. Et à l'époque coloniale, ça n'a posé aucun problème. C'est le gouvernement de Burundi qui a dit qu'il fallait amener la capitale à Bujumbura. Je ne suis donc pas par principe opposé à ce que la capitale change. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas deux capitales. La capitale, c'est une seule ville, comme Bruxelles, capitale de la Belgique, Paris, capitale de la France, comme Londres, capitale d'Angleterre. Il n'y a jamais eu de capitale. C'est une histoire qui consiste à scinder les capitales en économique et en politique. Ce sont des initiatives des Africains qu'on a observées à Abuja, au Nigeria. Tout le monde sait très bien que le centre d'attraction reste Lagos. Nyerere a décidé que Dodoma devait être la capitale de la Tanzanie. Tout le monde sait bien que tout se passe à Dar es Salaam et à défaut à Arusha. Donc il n'y a qu'une capitale par pays. Les capitales économiques, on ne les décrète pas. Si une ville vaut la peine, elle sera capitale économique selon les situations. Je dis simplement que qui dit capitale dit tête, caput. C'est une seule ville, il n'y en a pas deux. Les capitales économiques, ce sont les activités qui s'y déroulent. Sinon, tout se passera ici. Autant nous avons l'aéroport ici, le palais ici, autant nous avons les ambassades ici. Selon tant que nous avons le parlement ici, eh bien, c'est Bujumbura qui sera la capitale, peu importe si tous les ministres vont à Gitega. Le professeur Juvenal Ngoguanoboussa, président du parti MRC, Lorenzo Nguemero, et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue de presse par les récents échanges et de correspondances entre le président burundais Pierre Nkurunziza et son homologue ougandais Yoweri Museveni. À travers l'hebdomadaire Iwachu, le porte-parole du chef de l'État burundais parle de fuite et le condamne. Les lettres officielles échangées entre les deux chefs d'État sont incontournables selon Jean-Claude Karegwa. Ce qui pose des problèmes, c'est la façon dont elles ont été rendues publiques. Un brin d'humour, selon Iwachu, même si le sujet ne s'y prêtait pas. Je suis croyant et je dis toujours à ces prédicateurs qui nous lisent des épîtres et des apôtres dans les églises que ces actes sont préjudiciables. Mais je ne sais pas si la loi finira par punir ceux qui lisent les lettres de Saint Paul aux Corinthiens ou aux autres. Pour ce qui est de ces correspondances entre chefs d'État qui fuitent avant même d'arriver à destination, dénonce-t-il, nous sommes en train de mener des enquêtes parce qu'il s'agit d'un délit. Le journal Iwachu parle également dans un éditorial de ce qu'il qualifie d'inquiétant bruit des bottes. L'éditorialiste semble lyrique dans sa façon de s'exprimer. Au moment où Andessa et au-delà de la Kanyaru, de la forêt de Nyungwe et de la Kibira, résonne le bruit des bottes, j'élève ma voix jusqu'aux cimes de nos collines. Je la joins aux murmures, aux jérémiades, aux sanglots étouffés pour prier et implorer que cette coupe s'éloigne de moi. Ils se multiplient dans la région des veillées d'armes qui ne disent pas leur nom. De mauvaises prémonitions ponctuées de cauchemars rappellent le crépitement d'armes automatiques, le sifflement des bombes, les explosions assourdissantes, des cris, des pleurs, des morts, etc. Qu'est-ce que nos chères patries n'ont pas vu ou connu ? Se demande l'éditorialiste avant d'émettre son souhait. Que nous soyons préservés de ces maux. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse revient sur une réunion de coordination de l'éducation qui a eu lieu cette semaine au chef-lieu de la province de Cibitoke au nord-ouest du Burundi. C'était pour prendre des stratégies visant l'éradication du phénomène d'abandon scolaire. Entre autres stratégies, le ministère de l'Éducation nationale recommande aux établissements scolaires l'institutionnalisation de la personne de la tante et du père école comme stratégie d'éradication des violences sexuelles et de grossesse en milieu scolaire dès le premier mois de l'année scolaire 2018-2019. Après le constat de la façon dont montaient les taux d'abandon au cours des trois dernières années, le ministère doit prendre des stratégies. Pour pallier également au phénomène d'abandon scolaire et de grossesse non désirée en milieu scolaire, l'ABP propose de faire recours à l'éducation familiale de base autour du foyer qui inculque aux jeunes les valeurs culturelles du pays. Le ministère de l'Éducation annonce que prochainement, un module d'information baptisé « Le monde commence par moi » sera introduit dans les écoles pour que les jeunes grandissent dans un milieu équilibré. Éducation encore. La ministre de l'Éducation n'est pas satisfaite de la collecte auprès des élèves de la contribution pour les élections de 2020. Le journal La Voix de l'enseignant revient sur la lettre adressée au cours de ce mois de décembre aux directions provinciales de l'Éducation. Elle fait remarquer que certains directeurs des établissements scolaires ne s'impliquent pas activement pour la réussite du travail de collecte des contributions pour les élections de 2020 auprès des élèves. La ministre leur recommande de s'impliquer pour la réussite maximale de ce travail qu'elle qualifie de patriotique. Pour se conformer, les directeurs d'école n'ont pas hésité à empêcher les élèves redevables à passer l'examen du premier trimestre, ce qui a soulevé les tollés des parents qui estiment qu'il aurait fallu attendre et laisser les enfants passer leurs examens. Pour eux, les échéances électorales de 2020 sont lointaines, il y a encore du temps pour s'acquitter de cette obligation. Les accidents de la route font plus de victimes que le VIH-Sida ou la tuberculose. La communauté de blogueurs Yaga revient sur le rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié le 7 décembre. Il montre que les décès sur les routes sont en augmentation dans le monde entier avec 1 350 000 morts. Et comme dans le dernier rapport de 2015, c'est l'Afrique qui affiche le taux le plus élevé, 26 décès par 100 000 habitants. Un taux trois fois plus élevé qu'en Europe. Au Burundi, le nombre d'accidents de la route est estimé à 952 au premier semestre de l'année 2018. Hormis la vétusté des infrastructures routières, l'insécurité routière est le résultat de plusieurs facteurs. Des cercueils roulants, selon Yaga, ces véhicules vieux comme le monde, qui servent de bus de transport, à la conduite en état d'ébriété en passant par la non-maîtrise de la conduite et ou l'excès de vitesse, il y a de quoi nous interpeller estime le billet. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue hebdomadaire de presse. Au micro, vous étiez avec Léonce Bitaliro. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.